Premier livre des Rois, chapitre 14. En ce temps-là, Abijah fils de Jéroboam devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi maintenant, et te déguise, en sorte qu'on ne connaisse point, que tu es la femme de Jéroboam, et va-t'en à Silo, là est Aïja le prophète, qui m'a dit que je serai roi sur ce peuple. Et prends en ta main 10 pains, et des gâteaux, et un vase plein de miel, et entre chez lui, il te déclarera ce qui doit arriver à ce jeune garçon. » La femme de Jéroboam fit donc ainsi, car elle se leva, et s'en alla à Silo, et entra dans la maison d'Aïja. Or Aïja ne pouvait voir, parce que ses yeux étaient obscurcis, à cause de sa vieillesse. Et l'Éternel dit à Aïja, « Voilà la femme de Jéroboam, qui vient pour s'enquérir de toi touchant son fils, parce qu'il est malade, tu lui diras telle et telle chose, quand elle entrera elle fera semblant d'être quelque autre. » Aussitôt donc qu'Aïja eut entendu le bruit de ses pieds, comme elle entrait à la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi fais-tu semblant d'être quelque autre? Je suis envoyé vers toi pour t'annoncer des choses dures. Va, et dis à Jéroboam, ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, parce que je t'ai élevé du milieu du peuple, et que je t'ai établi pour conducteur de mon peuple d'Israël, et que j'ai déchiré le royaume de la maison de David, et que je te l'ai donné, mais parce que tu n'as point été comme David mon serviteur, qui a gardé mes commandements, et qui a marché après moi de tout son cœur, faisant seulement ce qui est droit devant moi, et qu'en faisant ce que tu as fait pis que tous ceux qui ont été devant toi, vu que tu t'en es allé, et t'es fait d'autres dieux, et des images de fonte, pour m'irriter, et que tu m'as rejeté derrière ton dos, à cause de cela, voici, je m'en vais amener du mal, sur la maison de Jéroboam, et je retrancherai ce qui appartient à Jéroboam, depuis l'homme jusqu'à un chien, tant ce qui est serré que ce qui est délaissé en Israël, et je raclerai la maison de Jéroboam, comme on racle la fiente, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Celui de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra au champ, les oiseaux des cieux le mangeront, car l'Éternel a parlé. Toi donc lève-toi, et t'en vas en ta maison, et aussitôt que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Et tout Israël mènera deuil sur lui, et l'ensevelira, car lui seul de la famille de Jéroboam entrera au sépulcre, parce que l'Éternel le Dieu d'Israël, a trouvé quelque chose de bon en lui seul de toute la maison de Jéroboam. Et l'Éternel s'établira un roi sur Israël, qui en ce jour-là retranchera la maison de Jéroboam, et quoi, même dans peu. Et l'Éternel frappera Israël, l'agitant comme le roseau est agité dans l'eau, et il arrachera Israël de dessus cette bonne terre qu'il a donnée à leur père, et les dispersera au-delà du fleuve, parce qu'ils ont fait leur bocage, irritant l'Éternel. Et l'Éternel abandonnera Israël à cause des péchés de Jéroboam, par lesquels il a péché, et fait pécher Israël. Alors la femme de Jéroboam se leva, et s'en alla, et vint à Tirsa, et comme elle mettait le pied sur le seuil de la maison, le jeune garçon mourut. Et on l'ensevelit, et tout Israël mena deuil sur lui, selon la parole de l'Éternel, laquelle il avait proférée par son serviteur Aïja le prophète. Et quant au reste des faits de Jéroboam, comment il a fait la guerre, et comment il a régné, voilà ils sont écrits au livre des Chroniques des rois d'Israël. Or le temps que Jéroboam régna, fut 22 ans, puis il s'endormit avec ses pères, et Nadab son fils régna en sa place. Et Roboam fils de Salomon régna en Juda, il avait 41 ans quand il commença à régner, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie d'entre toutes les tribus d'Israël, pour y mettre son nom. Sa mère avait nom Naama, et était ammonite. Et Juda aussi fit ce qui déplaît à l'Éternel, et par leurs péchés qu'ils commirent ils les murs à jalousie plus que leur père, n'avait fait dans tout ce qu'ils avaient fait. Car eux aussi se bâtirent des hauts lieux, et firent des images, et des bocages, sur toute haute colline, et sous tout arbre verdoyant. Même il y avait au pays des gens prostitués à la paillardise, et ils firent selon toutes les abominations des nations, que l'Éternel avait chassées de devant les enfants d'Israël Zéroer. Il arriva qu'en la 5e année du roi Roboam, Sisa, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, et prit les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors de la maison royale, et il emporta tout. Il prit aussi tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Et le roi Roboam fit des boucliers d'airain au lieu de ceux-là, et les mit entre les mains des capitaines des archers, qui gardaient la porte de la maison du roi. Et quand le roi entrait dans la maison de l'Éternel, les archers les portaient, et ensuite ils les rapportaient dans la chambre des archers. Le reste des faits de Roboam, et tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Or il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Et Roboam s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec eux dans la cité de David. Sa mère avait nom Naama, et était ammonite, et Abijam son fils régna en sa place.